Activité 5. 1. Mes deux frères et moi, nous allons au parc cet après-midi. Est-ce que tu veux venir? 2. Marc et Sophie viennent à la fête. Maintenant, il y a 16 personnes sur la liste. 3. Est-ce que tu peux acheter 10 tomates pour le repas de ce soir? Merci.